tu m'attestes, j'entends, je m'entends. On n'aime pas les boutons, les moutons, les ratons. Je les fume comme le fait, tu m'attestes, j'entends. Je m'entends pour pas faire des braquages, je m'entends la mentale. Je connais. Je vais leur casser la tête, fils. Je vais leur casser la tête, fils. Je vais leur casser la tête, fils, y'a rien qui m'arrête. Mais si tu viens de la barrette, ça me l'a dans la cigarette. Je démarre au démarrage, comme ça rien qui m'arrête. Mais si tu viens, j'envoie la rage, mais aussi dans la RS. Quand tu l'ouvres trop, je vais t'éjecter. Je fais monter ma caisse, pas tracteur détecté. Une fausse amitié, suspectée. Je crois que je vais me faire une pause de nain, histoire qu'il puisse péter. Je vais te casser, fils, te laisse m'en passer. Je t'en ai assez, puis ressasser les choses du passé. Faire de l'avant tout le temps, même si malheur que tu l'as vu. Matin, je me lève, je me fais un perso. Génération, la débrouille, je passe tout ce pour percer. Au cas où tu as oublié, là, c'est la zone en personne. Par les Giro et les Aha, j'ai été bercé. Je suis pas les boss, mais je les crosse. En bois, tu pourrais faire danser Eric Ross. D'origine corse, je mets droit le cross. J'arrive en crabe pour eux, c'est atroce. Lunettes comme Matrix, gazeuse matraque. Il me reste un point en volant où je fume la drogue. Elle veut que je la drague, que je fasse une drague. Elle veut la bague, mais moi je bug. Elle tourne la bague. En bête, je suis sur Facebook, je fais que des plans, je fais le pain, je fais le pain, je pense pas à Valplan, je vais cul plus un, oh zin, oh l'asile m'a vu mes deux coups de frein, oh le zin, oh le zin, oh l'asile m'a vu mes deux coups de frein. Je t'équipe en zoom, soudé ensemble, pas poussette, entre nous on sait qui est qui, on le sait, si on fout le sens, y'en a un qui fait le fou, direct on le sort, évite de faire le bouille, faut t'arrêter porter des couilles, tu vas avoir des embrouilles. Sous le casque intégral, y'a des mauvais garçons. Sous l'ensemble qu'est choix, y'a un 40 garçons. Le bout du calibre touche les couilles quand tu le mets dans le caleçon. Il fait le mec plein, tout bidon, t'es des contre les soins. Les boutons, les moutons, les matins. Je les fume comme le bec du matin. Ce que j'entends, je m'entends. Pour qu'à faire des blagues, la mentale, je connais. On n'aime pas les boutons, les moutons, les matins. Je les fume comme le bec du matin. Ce que j'entends, je m'entends. Pour qu'à faire des braquages.